on the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier? Qu'est-ce que vous merde? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm bringing on, I'm bringing on. Yo! On the road. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 en direct sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel sur ontherocks.net, le petit site de dans The Rocks, et puis en rediffusion à Blois sur ZEF. Ah, vous savez que je les aime, ces émissions-là, ces battles saignantes, avec Sylvain des Sucker Fever qui est là ce soir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Sylvain qui est venu en vélo et donc il se fera amputer les orteils des doigts de pied pendant l'émission. Voilà, en direct. En direct, à la petite cuillère. C'est promis, c'est juré, surtout s'il perd, puisque c'est une battle ce soir. Le thème, c'est à deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux, et oui, c'était le thème. On a cogité, on a fumé dans nos cerveaux, on est allé plonger dans nos discothèques. La mienne est certainement beaucoup mieux rangée que celle de Sylvain. Car si vous avez. Ça m'étonnerait, c'est très très bien rangé. Si vous avez l'album Amen des Sucker Fever, vous pouvez voir plein de cassettes, et je crois que c'est chez toi. Ouais, c'est mon ancien meuble de cassettes. J'ai toujours les cassettes, mais c'est plus le même meuble. D'accord, donc c'est pour vous dire que le gars est quand même, il a des munitions, mais je n'ai pas peur. Et on va commencer ce soir avec un coup de cœur qui n'a rien à voir avec à deux, c'est mieux. Il est 19h32 sur une des horloges et 13h17 sur l'autre. Donc je pense qu'il est 19h32, hein, on va se dire qu'il est ça. On va se passer un extrait d'un album qui vient de sortir, qui est un album d'un groupe que je suis depuis quelques années, qui s'appelle The Marshalls. L'album c'est Les Bruyères Sessions. Voilà, donc je te montre la pochette qui est très bucolique. Magnifique. Hein, magnifique. Avec un très beau port, beaucoup mieux réussi que le port. Et donc c'est un album donc de 9 titres sorti chez les excellents Fremont Records qui avait sorti Adam Wood est à l'origine de ce projet. Donc on retrouve les Marshalls avec des morceaux originaux, et il y a une reprise qui clôt cet album. Ça va être le petit coup de cœur ce soir. Je ne te dis pas ce que c'est. Ah, ça commence fort. Il va falloir que tu découvres quel est ce titre un petit peu réarrangé, mais je pense que tu vas quand même blind test, tu les as visés. Un blind test, c'est ça. J'en aurai un pour toi tout à l'heure. Et ben avec plaisir. C'est parti. Voici donc le coup de cœur ce soir. Ça s'appelle, j'allais dire le titre, ça s'appelle donc The Marshalls. C'est tiré de leur dernier album qui vient de sortir, je vous le conseille. Et puis juste après, un petit Sucker Fever parce qu'on sait recevoir quand même. Et on démarre dans cette battle infernale de à deux, c'est mieux. Vous êtes dans The Rocks. On the rocks et yeah, give me some. Thought it was a nightmare. Though it sounds so true, all it tells me, don't go walking slow. Devil's on the loose. You better run through the jungle. I thought I heard it rumbling. Well, it's calling to my name. $200 million guns are loaded. Satan Christ take him. Better run through the jungle. you better run through. le fais à la bouche. Ah, on s'est retenu de pas le faire. Sacré morceau. Ouais, c'est une chanson pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse. Bah moi aussi, c'est pour ça que, j'ai diffusé ce soir. I Hate You, c'était les Sokoi Fever, donc tiré de leur avant-dernier album et biblique album Amen, avec toutes les cassettes de Sylvain ici présent, puisque c'est lui qui compose, c'est lui qui joue, c'est lui qui produit, c'est lui qui écrit les paroles. Pourquoi tant de haine sur ce morceau ? Oh, comme ça, c'était. Ça venait de la musique. Alors, c'est une vieille chanson, hein, donc c'est plus tout frais dans ma tête, mais. Je trouvais que la suite d'accords et ce que la voix pouvait faire, moi ça me faisait penser un peu à Stevie Wonder. Mm-hmm. Donc j'imaginais Stevie Wonder sur une thématique très très amour, fraternité et Jésus-Christ. Peace. Et donc j'ai pris le contre-pied. D'accord. Au lieu de dire I love you, I hate you. Voilà. C'est pas gentil. C'est pas bien. Mais non, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, c'était un sacré morceau des Sokoi Fever, avec peut-être des petites choses à venir musicales dans l'année 2019 qui commence. Mais dis donc, t'es bien informé. Mais écoute, j'ai mes sources, mes bruits de couloir. Oui, oui. Et ben, en fait, on est en train de préparer la sortie d'un EP, c'est-à-dire un format court, ce qui est assez inhabituel pour nous, parce qu'on est plutôt. Qu'auditeur de musique, je suis plutôt sur le format album, donc un EP c'était pas une évidence, mais ça va nous permettre de remettre les compteurs à zéro en termes de moment musical et d'adéquation entre le moment musical et l'album, en fait, parce qu'en fait après chaque disque on a toujours une petite réserve de chansons qu'on fait très vite après, le temps passe, d'autres chansons arrivent, et chaque album souvent réunit deux groupes de chansons, deux périodes. Deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances, ce qui peut être bien, hein, c'est pas mal aussi d'avoir une forme d'éclectisme sur un album. Mais là, du coup, on est parti pour clore un petit peu le chapitre précédent, du disque précédent. Avec des chansons qui étaient soit non, elles n'étaient pas enregistrées à l'époque du disque, mais qui étaient dans l'air quand on finissait le disque et qui étaient un peu dans la même lancée. Et je sais plus ce que je dis, mais du coup, on aura l'album suivant sans doute beaucoup plus cohérent et en tout cas beaucoup plus compact en termes de moments musical, quoi. Bon, et ben voilà. On vous tient au courant en tout cas. 2019, on sera en short normalement quand on en reparlera. J'espère que qu'on pourra sortir ça d'ici l'été, l'été. En tout cas, vous en entendrez parler dans The Rocks. Mais ce soir, Sylvain n'est pas là pour nous parler de son fameux groupe orléanais mondial et fantastique. Sokoi Fever, il est là pour se prendre une volée avec le thème de ce soir qui s'appelle À deux, c'est mieux. Mieux. Alors, bon, moi, personnellement, le principe est simple hein, pour ceux qui prennent l'émission pour la première fois et qui viennent d'allumer. Mais qu'est-ce que c'est que cette battle? Eh bien, en fait, c'est un morceau, chacun son tour, avec un thème donné au départ. On compte les points, vu que il n'y a que nous qui comptons les points. Généralement, il y a égalité à la fin. Et alors, moi, je ne suis pas vautré. J'espère que mon adversaire n'a pas fait la même chose, mais ne s'est pas vautré dans cette facilité de faire des duos. Enfin, des duos avec plein de gens qui jouent derrière, parce que ça, c'est un peu facile. Non, on est bien d'accord. Je n'ai pas cédé à cette facilité, quoique un duo. Excusez-moi, monsieur. Oui, alors, je ne vous ai pas interrompu. Vous n'avez pas le monopole, monsieur Bourdier. Du duo. Un duo, le thème c'est à deux c'est mieux. À deux c'est mieux, c'est vrai, c'est le thème. Bon, alors. Mais par exemple, chez La Ringo, c'est un peu facile. Bah c'est surtout que c'est pas super, quoi. C'est vrai, pas terrible. C'est vrai que c'est pas super. Alors bon, c'est Sylvain qui va ouvrir le bal ce soir avec un morceau qu'il va me nommer, que je vais cliquer immédiatement. On va partir à la base du. Enfin, des bases. Attention, je vais là. Everly Brothers. Ah bah j'y étais. Hop. J'y étais. Bon. Et oui, la base c'est ça. La base du duo sur fond de rock, mais avec un peu pop quand même. Les Everly Brothers, qui, comme le nom l'indique, étaient probablement frères. Cousins. Don et Phil Everly, qui portaient le même nom, qui donc était homonyme, Monsieur Bonnet. Hein, tout à fait. Je ne peux pas vous donner tort sur ce sujet. Et ils ont commencé très jeunes à chanter ensemble. Ils chantaient avec une espèce de naturel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand un ouvrait la bouche, bah, l'autre harmonisait derrière. Voilà. Quand ils allaient acheter une baguette à la boulangerie du coin, dans le Kentucky natal. Pas trop cuit, pas trop cuit. Exactement. Ouais, ouais. Donc ils ont commencé au milieu des années 50, quoi, c'était l'explosion rock'n'roll. Ils ont été pris sous l'aile de Chet Atkins. Un grand nom de la guitare de l'époque, de la guitare rock country, on va dire. Ouais. Hein. Le succès a mis un petit peu de temps à venir, mais est arrivé finalement assez rapidement quand même. Hein. C'était une époque où les choses allaient vite. Voilà, il y avait le choix dans les titres. J'ai choisi Wake Up Little Susie, qui est une chanson qu'on a tous plus ou moins entendue un peu comme ça, sans savoir que c'était les Everly Brothers, mais voilà. C'est une intro un peu bizarre, un peu abrupte, l'intro. Oui, mais c'est voilà, c'est une tradition très américaine. C'est un groupe vraiment ricain, pur ricain. C'est les bons gars du Kentucky, un peu, il y a un côté genre idéal. Oui, un peu propre sur eux. C'est le propre, les, ouais, ouais, c'est propre. C'est les Laurent Romeshko de l'harmonie vocale. Ouais, ouais, qui ont été complètement balayés après par la vague anglaise, quoi, la British Invasion des années 60. Mais la vague anglaise, enfin, McCartney et Lennon, les harmonies vocales des premiers albums, c'est direct. Ouais, ouais. Ils s'en sont pas cachés d'ailleurs. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Simon and Garfunkel, ouais, dont on parlera peut-être ce soir, c'est pareil, s'inscrivent dans cette filiation là. Voilà, mais Sally, je me suis rendu compte en préparant l'émission que ils ont perduré jusqu'à la fin des années 60 en continuant leur petit chemin avec des trucs un peu étonnants par rapport à ce qu'ils faisaient au début, une petite coloration hippie sur la fin. Enfin voilà, ils se sont mis dans l'air du temps comme ils pouvaient. Ça a pas suffi à les préserver, mais voilà. Ouais. Bon, bah super morceau, Wake Up Little Susie, c'est quoi ça, on dit quoi, 57. 50, ah oui. Ouais, 57. Ouais, oui. c'est vieux. Voilà. Donc c'est parti, si vous aimez les harmonies vocales, c'est votre moment. Everly Brothers, donc, avec leur oulala très efficace. Oulala. Très bon oulala. Alors là, un c'est beau frais. Point. Un beau point. Très oui. Bien. Bravo. C'est gentillet, c'est frais, mais c'est. Oui, c'est mais c'est imparable quand même, bah cette oui. Histoire. Ouais. Voilà, ça donne envie de manger des milkshakes avec des jupes pissées. Ouais. Ouais. Enfin, conduire une Cadillac dans le désert. Voilà, c'est ça. Eh bien, on va essayer. C'était donc les Everly Brothers, c'était le premier choix de Sylvain avec Wake Up Little Susie. Et donc c'est à moi, à deux c'est mieux, puisque le thème c'est à deux c'est mieux, j'ai choisi de commencer par un morceau des B52. Beatles. Car que, il peut pas s'empêcher. Comme, hein. Et comme un uppercut de début de match, je tiens à essayer de placer un Beatles par thème. Ouais. Ça va être un petit peu compliqué pour le prochain thème, mais on va essayer quand même. Et ben pourquoi à deux c'est mieux? Ils étaient quatre quand même, les gars. Ils ont même été cinq, hein. Et puis, ouais. Quand on compte George Martin, ça fait presque six, donc il y a du monde. Eh bien non, puisque sur ce morceau qui date de 1969, eh bien, ils ne sont que deux. C'est crédité les Beatles, mais ils ne sont que deux enregistrés dans les studios. Et à deux, c'est mieux. Alors, c'est... pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément mieux, mais c'est pas dégueu non plus. À deux. Donc on est en 1969, ça commence à sentir un peu le caramel. Ouais. Yoko est là, hein, elle est bien là, elle est assise sur l'ampli, comme dit Paul McCartney. Excuse-moi chérie, est-ce que tu peux te pousser de mon ampli? C'est lui qui le dit. Et donc voilà, George Harrison devait avoir piscine, Ringo Starr devait avoir Alcoolique Anonyme, tant peut-être pas encore à l'époque, mais en tout cas, bon, il n'était pas là. J'en reparlerai, figure-toi, dans l'émission de George Harrison et de Ringo Starr. D'accord. Je te le promets. Eh ben écoute, je le note. Et donc, John Lennon était un petit peu monomaniaque sur Yoko Ono, tellement monomaniaque qu'il a décidé d'en faire une chanson où il raconte sa lune de miel, où il raconte son mariage, où il raconte sa petite virée à Paris, tout ça. Et c'était déjà un peu tendu avec Paul, mais il lui a dit, est-ce que tu peux venir jouer un petit peu? Parce que, en gros, tout seul, c'est moins bien à deux. C'est mieux. C'est mieux. Et donc, ça s'appelle The Ballad of John and Yoko, avec McCartney qui harmonise sublimement derrière. Alors, Lennon écrit le morceau, chante, joue toutes les guitares et tout le reste, la basse, la batterie, les petits triangles, ling, ling, ling, les poètes et les chœurs, c'est Paul McCartney qui est derrière, qui joue. Donc voilà, on a quand même le duo Lennon-McCartney dans leur pure essence là-dessus. Dire que Paul joue de la basse, c'est un euphémisme. Vous allez entendre, je pense que sur ce morceau, il a bien compris que c'était lui le bassiste. Donc voici The Ballad of John and Yoko des Beatles, mais à deux, c'est mieux. C'est mieux. Dockets of Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the mask says, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Côté vainé sur ce morceau, c'était les Beatles, ouais. Avec The Ballad of John et Yoko. Étonnant. Et oui. Tu connaissais pas? Non. Voilà. C'est quel album ça ? Alors c'est pas sur un album, c'est sur un single, je ne saurais te dire lequel, mais ça a été compilé sur The Beatles Past Masters. Voilà, c'est, alors je vais te dire, peut-être je vais avoir un renseignement sur, c'était quoi ? C'était la phase, ah oui c'était, qu'est-ce que je dis ? Eh ben je ne sais pas, est-ce que c'était pas sur Get Back ? Est-ce que c'était pas la phase B de Get Back ? C'est possible, bon je me renseigne, je me rencarte, je te redis. Ce soir dans The Rock, c'est à deux, c'est mieux, et nous sommes deux, puisqu'il y a moi-même, Manu, bonsoir, et il y a Sylvain Trémaux des Sequoia Fever, et surtout, un petit peu, monte des petits graisseux. Et donc, c'est à toi de jouer pour ce thème, c'est à deux, c'est mieux. C'est à moi de renvoyer la balle. Tout bon, à fait. Je reste, tu vois, je vais consolider ma base de fondateurs un peu, tu vois, les mecs qui ont posé le truc. Les Berruriers Noirs, non ? Pas tout de suite, les Berruriers, on va attendre. Oh, excusez-moi. Ils étaient 27, hein, t'es au courant, ça ? Ouais, mais ils étaient quand même, le noyau, c'était un noyau binucléaire. D'accord. Non, on va parler d'un duo qui a sans doute inspiré Sam & Dave, autre grand duo de la soul. C'est Bob & Earl. Ah, Bob & Earl. Bob & Earl. Ah, ça je connais pas. Et ben, ça, très bien. Et ben, ça gagne à être connu. Tu connais peut-être la chanson que j'ai choisie, qui s'appelle Harlem Shuffle. Oui, tout à fait. Qui a été reprise entre autres par les Stones. Par plein de gens. Par plein de gens. C'est un classique de la soul. C'est eux qui l'ont créé. C'est eux les créateurs de Harlem Shuffle. Et dedans. Qui est une chanson assez ancienne finalement, qui date de 63, qui apporte un son assez neuf. Hein, c'est, je trouve que le son est assez novateur par rapport à la date de sortie, avec un groove assez lancinant, un truc un peu traînant, assez intéressant, très groovy pour l'époque, parce que 63 quand même, c'est l'époque où voilà, tout le monde avait l'arrêt sur le côté, les chaussettes bien montées. Là, il y a un côté... lancinant, vachement intéressant. Un côté moite, ouais. Alors c'est très soul, hein, très soul. Quand même deux petits mots sur Bob & Earl. Mais oui, parce que qu'est-ce qui vient Bob & Earl ont commencé ensemble dans un groupe de doo-wop à Los Angeles. C'est Bobby Bird à la base. Oui. Et Earl, c'est Earl. Bobby Bird à la base. Bobby Bird à la base. Et Earl Nelson, son partenaire. Et alors, Bobby Bird, c'est peut-être un nom qui te dit quelque chose. Bobby Bird, c'est le nom du gars qui faisait les Get It Up derrière Jazz Brown. Ah bon ? Parce que à deux, c'est mieux aussi. Et c'est lui ? Eh ben non, c'est pas lui. Ah ben c'est pas lui. C'est un homonyme. Ah, ou purée. Oh la vache, je pense que. Oui, d'accord. Paf ! Et une derrière. Et déjà d'une. Non, c'est. Alors, au début, je pensais que c'était lui, mais c'est pas le même. D'accord. Earl a changé de Bob entre temps. C'est-à-dire que Earl est resté. Il a trouvé un autre Bob pour continuer le duo quand Bobby Bird s'est dit tiens, je vais faire une carrière solo, parce que ça marchait pas des masses non plus, hein, Bob et Earl. Donc le noyau, c'est Earl. C'est Earl, ouais. Le Bob est interchangeable. Voilà. Et le deuxième Bob, Bob Ralph, ne pas confondre avec Keith Ralph, chanteur des Yardbirds, hein, autre homonyme. Oh putain, paf, taqué. Un genou à terre. Combo. Et voilà. Et alors, figure-toi, si je te parlais de George Harrison, il paraît que c'était la chanson préférée de George Harrison. Harlem Shuffle. Ouais. Il a du goût. Paraîtrait. Bah, ouais. C'est un bon morceau. Ouais, c'est un super morceau. Oui. Qu'on va écouter. Qu'on va écouter maintenant. Voilà. C'est parti. Ah oui. Takes all night. shake, shake, shake a tail feather, baby. Woo! Shake, shake, shake, shake a tail feather, baby. One more time. Woo! Shake, shake, shake, do the monkey time, baby. Ah oui, c'est comme ça. Ah, c'est très très bien même. Tout est comme ça. C'est leur principal titre, hein, ouais. C'est la seule chanson qui est connue succès, mais ouais, c'est dans cet acabit-là. Le morceau était arrangé par Barry White. Oui, ah, voilà. Le jeune Barry White à l'époque. Le jeune Barry White, 18 kilos. Quand il passait encore dans les portes. Voilà. Voilà. Très bien. Bon. Mais ouais, oui, ça se tient comme ça. C'est le soul, un peu Northern Soul. Effectivement, Sam and Dave ne sont pas loin. Ouais, et ils sont venus après. Ils sont venus après. Et eux, ils ont disparu très vite ou qu'est-ce ouais, qui s'est passé? Ouais, non, ça n'a pas marché. À part cette chanson, ça n'a pas vraiment marché. C'est leur petit tube, c'est ça. Sinon, non. Bon. Faut dire que la concurrence était très relevée quand même. Hein. Ouais. Des groupes de soul, il y en avait un peu à tous les coins de rue, avec des mecs. Et que des bons. Qui chantaient depuis qu'ils savaient tenir sur leurs deux jambes. Ouais. Donc voilà, ouais. Bon, belle découverte, merci pour ça. Alors, loin de moi, l'idée de. De faire des coups bas, mais enfin, je rappelle le thème de l'émission, c'est à deux, c'est mieux, donc les étaient 18 hein, sur ce morceau. Mais, ouais, mais c'est Bob and Earl. Non, mais j'en ai d'autres où ils sont que deux. Non, mais là ils étaient 18 quand même. Alors, en même temps, je fais le malin, mais pour le prochain, c'est un peu tiré par les poils, mais je suis assez content de moi quand même. Ah. C'est un monsieur qui s'appelle Ben Folds. Alors, est-ce que tu connais ouais. Ben Folds? Oui. Donc, à deux, c'est ben mieux, Fold, c'est le thème. Ben Folds 5. Alors, il a démarré avec un groupe qui ouais. s'appelait Ben Folds 5, ouais. et qui, comme son nom l'indique, comptait trois membres. Voilà. C'est-à-dire une batterie. Une basse, une contrebasse même, une basse je crois, et un piano à queue, pas de guitare. Et donc des morceaux absolument fantastiques avec des albums vraiment géniaux. Ben Folds 5, pour vous situer, c'était un peu musicalement entre du très très bon Elton John du début, du Joe Jackson un petit peu, et puis des textes un peu qui tirent vers Andy Newman, un peu vers le sarcasme comme ça. Alors il a jamais vraiment percé hein, par chez nous. Ben Folds 5, il y a un joli succès d'estime aux États-Unis, mais chez nous ça a jamais vraiment percé. Et puis il a, ce monsieur, ensuite démarré une carrière solo sous le nom de Ben Folds. Alors on va se passer un extrait d'un album où il joue seul sur scène avec son piano. Alors, j'ai bien conscience que le thème c'est à deux c'est mieux. Alors pour vous situer un peu l'humour de Ben Folds, on va juste passer un petit morceau qui dure 1 minute 17, c'est pas celui qui est en question, mais quand même pour donner une idée. Il l'a laissé sur son album live et je trouve ça très drôle. Donc un monsieur qui a quand même du talent et de la répartie, puisque à un moment il y a un petit moment de silence et comme d'habitude, Sylvain des Soccer Fever qui est ici le connaît par cœur. Il y a le mec lourd, le lourd de la soirée, qui soit crie à poil, soit Angie, soit soit à boire. Et donc là, il crie Rock this bitch. Ça veut dire en gros, et toi là-bas sur scène, est-ce que tu pourrais faire un morceau un peu plus rock? Et toi, la prostituée qui est devant nous sur scène. Rock this bitch. Et donc Ben Folds lève l'oreille et fait comme si c'était un nom de morceau, comme s'il demandait un de ses morceaux. Et donc il improvise. Ok, je te fais Rock This Bitch. Donc voici ce que ça donne. Et après, je vous explique pourquoi. Le mec vient chanter après. À deux, c'est mieux. Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec à deux, c'est mieux. C'est après, à deux, c'est mieux. Rock this bitch. Rock this bitch. Ok. Voyez le bestiau. Ouais, ouais. La pochette de l'album, je la montre sur la caméra 2. Il est face à la caméra, l'air navré, et tout le public derrière, l'ensemble de la salle fait des doigts d'honneur. Voilà. Et l'album s'appelle Ben Folds Live. Alors, justement, pour cet album, eh bien, il est tout seul au piano, et à un moment, il fait un morceau magnifique qui s'appelle Army, et sur l'album, il y a des cuivres, des trombones, des saxophones dans tous les sens, et là, il est tout seul. Et donc, il demande au public de faire avec la bouche les cuivres et les trombones, et donc, à deux, c'est mieux. Le chanteur plus le public, mais oui, qui est une entité, tu le sais bien. Oui, oui. Parfois, bête. Voilà, une bête, parfois difficile à apprivoiser. Et ben lui, il y arrive très très bien. Donc voici ce morceau, Army, où il explique d'abord au public comment il faut faire un petit peu le truc, et vous allez voir que ça fonctionne quand même pas du tout mal. Ben Folds Live, donc ça s'est tiré de son album Live qui date déjà de 2002. Et voici donc ce Army dans The Rocks à deux, c'est mieux. We've got enough people in here to get a bitchin' horn section. So let's cut the audience down the middle. This side's saxophones. This side's trumpets. This side goes ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba. This side's ba ba ba. Voilà, c'était Ben Folds en live, et avouez que ce morceau aurait été beaucoup moins intéressant tout seul, donc à deux c'est mieux. Ils sont forts ces Ricains. Donc je m'accorde un point. Ouais, Mérité. J'irai écouter Ben Folder. Ah ouais, ouais, c'est vraiment très bien, ouais. Alors, son dernier album est un peu plus aventureux, un peu, il part un peu, il est un peu barré, mais c'est toujours un peu acide comme ça, toujours un peu, c'est. Ah, il peut reprendre le Tiny Dancer de Elton John en le reprenant magnifiquement, et il a des choses un peu plus acides, des paroles un peu plus rentres dedans, quoi. En tout cas, voilà, jouer tout seul comme ça au piano, improviser, chanter super bien, jouer avec le public. Et tout, ouais. Et tout le live est super comme ça. Donc, ouais. Voilà, il y a les albums studio, je vous les conseille, Ben Folds tout seul ou Ben Folds 5. Nous sommes dans On The Rocks, c'est le tour de Sylvain, très beau, ici présent, de nous proposer son prochain morceau. À deux c'est mieux. À deux c'est mieux. À deux c'est mieux. Bon là ils étaient 1 plus 10 000 en face. Moi j'en mets 2 sur scène. Mm-hmm. Puis c'est tout. Voilà. Ah voilà. Bah voilà. Voilà. Là je suis dedans. Mais oui voilà c'est bon, ça. Avec un diesel. Hein, avec, un diesel. Oui oui mais bon fallait bien poser les bases quand même. C'est vrai. Avec un groupe un two members group on pourrait dire two members band puisque ce sont des Américains les White Stripes quand même. Ah bah oui voilà. Fallait bien. Je savais. J'ai pas mis. Je le savais. Bon bah fallait voilà. J'en ai mis quelques-uns dans ma besace comme ça. De cette période, je sais pas, il y a eu un lot au début des années 2000 de groupes comme ça, un à la guitare et puis un autre à la batterie ou une à la batterie, c'est vrai, ou au maracas ou à ce qu'on peut. Alors dans le même style, il y a les Schizophonics qui vont jouer à l'Astrolabe bientôt, donc c'est ça, c'est Madame à la batterie, enfin je crois qu'ils sont séparés, je sais pas si encore elle, Madame à la batterie, Monsieur à la guitare et ça saute partout. Ouais. En France, il y a les Magnetics aussi, un groupe de Bordeaux, antédiluvien, enfin voilà. C'est une formule en soi. Le chanteur qui joue de la guitare, qui fait un peu tout, qui a cette voix incroyable, qui porte vraiment le truc. Et puis, on savait pas trop au début si c'était sa sœur ou sa femme. Ou sa mère. Ou sa mère. Bon, en tout cas, ils portaient le même nom, Jack White et Meg White. Hein. Encore deux homonymes. Hein. Bam, bim, voilà. Allez. Voilà. Donc, on peut le dire maintenant, c'est un peu mon leitmotiv de la soirée. C'est asséner le mot homonyme. Dès que je peux. Oui. Et voilà, les West Side Boys ont quand même marqué leur époque. Quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi le tour de force, avec quelques autres quand même, de ramener les guitares sur le devant de la scène. Fin du XXe siècle, où c'était plutôt les machines qui avaient le vent en poupe. Et puis ils l'ont fait avec une musique très, très basique, très radicale, sans chichi, avec des productions vraiment minimalistes. Un son ultra vintage, enfin voilà, vraiment en brossant presque à rebrousse-poil le public. Et ça marchait. Alors c'est vrai qu'il y avait quand même un habillage très soigné. Ouais, ouais. Le visuel était efficace. Ouais, ouais. Un travail graphique sur les couleurs. Couleurs rouge, noir, blanc. Les coiffures. C'était quand même très, très travaillé tout ça. Et puis. Quelque chose que vous, chez les Secret Fever, vous ne travaillez pas beaucoup les coiffures, par exemple. Bah, on peut plus, on c'est peut pas. Plus, mais. Faites un effort, mais. Ouais. Bon. Enfin, il y en a qui peuvent plus. Bon. Enfin, voilà. Les White Stripes, Jimmy The Exploder, c'était la chanson qui ouvrait le tout premier album, qui m'a toujours marqué, moi, avec un son comme ça, une réverbe incroyable, la guitare tout de suite, enfin voilà. White Stripes. Alors, est-ce que je peux avouer quelque chose à cette antenne? Tu n'aimes pas les White Stripes? Eh bien, je suis passé complètement à côté. Ouais. Ouais. Alors bon, Seven Nation Army, tout ça, voilà. Ouais, ouais. Complètement passé à côté, ouais. Mais pas parce que j'aime pas. Il y a un ou deux morceaux, j'écoutais, j'aime pas trop la voix. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, j'y vais pas. Ah ouais. C'est belle, c'est ballot, hein. Je vais redécouvrir ça dans 20 ans, je pense. Moi, je vais regretter. Alors, je pense qu'il y a, il y a un droit d'inventaire à faire sur les White Stripes. Oui. Il y a des choses que j'aime beaucoup en ce qui me concerne, vraiment. D'accord. Moi, j'aime beaucoup la voix de Jack White. Il y a des chansons que je trouve super. Ce que je regrette un peu sur les albums, c'est que c'est souvent trop long. Il y a toujours 3-4 chansons en trop. Donc, je pense qu'ils auraient pu se passer. Et puis, à vouloir faire trop simple. Des fois, t'as envie de dire, bah, les mecs, vous auriez pu accorder les guitares, quoi. Voilà. Ou, enfin, voilà, ou bon. Et puis, bah, c'est vrai que Meg White, elle est charmante, mais elle en met pas une dedans, quoi. Ouais. Mais ça fait beaucoup quand même. Ouais, mais ça donne la petite singularité, quoi. Mais moi, du coup, je préfère l'autre side project qui est les Raconteurs, ah ouais, moi aussi. Que j'adore. Ah oui. Et les deux albums sont des chefs-d'œuvre. Ah oui, là, je suis d'accord. Qui m'ont fait découvrir Terry Reid. J'ai découvert par les Raconteurs, ah ouais. Parce qu'ils reprennent, et ça, je trouve ça très bien. Il y a un single qui est sorti là. Ah bah ouais. Voilà. Les Raconteurs, bah oui, je suis d'accord. Bah oui, c'est ça. Je préfère largement les Raconteurs. D'accord. Mais oui, mais quand même à la base. Mais ils n'étaient pas deux. Donc ce soir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait c'est ce qu'on a, moi, ma pauvre dame. Avec le thème pourri qu'on s'est imposé ce soir. The White Stripes, donc Jimmy The Exploder, c'est parti. Et donc je découvre les White Stripes, là, maintenant, ouais. Ce morceau. Oh, c'est nul. Mais oui, ça c'est bien. Mais ouais, qui chantait? Jack White. Ah ouais, on dirait sa mère. On dirait que c'est sa mère qui chante. D'accord. Et bon. ce que montre un peu ce morceau, mais d'autres aussi, c'est que à deux comme ça, ça offre une pleine liberté, quoi. C'est-à-dire que si le gars il veut ralentir le tempo, il ralentit. S'il veut chanter des paroles, il chante les paroles. S'il veut faire ou pendant quatre mesures, il fait. Enfin, il y avait comme ça une liberté sur scène. Avec Jack White à la barre, quoi. Oui, c'est ça. Faut qu'il y en ait un à la barre, l'autre qui suit, quoi, quand même. Ouais. Bah après, bon. Quoique, avec un groupe qu'on va voir tout à l'heure où ils sont vraiment que deux, c'est un peu à qui va piéger l'autre et à qui va changer. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Ce soir dans The Rocks, le thème c'est à deux, c'est mieux. Et alors là, c'est le moment le plus délicieux de l'émission. Je trouve ce morceau absolument charmant. C'est un morceau d'un duo belge plein de fraternité et de sororité, puisque frères et sœurs, les frères et sœurs Bettens, Gert Bettens et Sarah Bettens, qui ont créé un groupe au milieu des années 90 qui a eu un succès énorme. Ils s'y attendaient peut-être pas eux-mêmes. J'avais fait une interview, enfin ma frangine avait fait une interview à l'époque de la chanteuse pour On The Rocks. C'était là. Ça s'appelle, non, pas du tout, Kai's Choice, qui s'appelait The Choice au départ. Quelque chose. Ils ont fait un album qui a très très bien, qui s'appelait Coucou Trash, qui a été un gros succès avec un morceau Not An Addict, avec des grosses guitares, tout ça. Ça, c'était le deuxième album. Mais le premier album s'appelait The Great Subconscious. Merci. Club. Donc, Kai's Choice, c'est un frère, une sœur. Et sur ce morceau, il y a la voix délicieuse de Sarah Bettens, qui a une voix un peu voilée, comme ça, un peu fébrile, un peu, qui moi je trouve absolument délicieuse. Et le morceau s'appelle Breakfast, et c'est du vécu. Et on pense que c'est vraiment du vécu, puisque c'est un frère, une sœur qui raconte ça. Alors, que deux, hein? C'est le thème ce soir, guitare, deux voix, je le rappelle quand même au cas où certains auraient dormi pendant le cahier de texte. Ce morceau raconte ceci. Je vous lis les paroles quand même, la traduction, et puis je vous passe le morceau derrière. Donc c'est elle qui chante. Je me suis réveillé au lever du jour, je pensais avoir entendu la voix de maman. On aurait dit que mes parents se battaient, alors j'ai réveillé mon frère allongé à côté de moi. Je me demande pourquoi elle fait autant de bruit. Il vaut mieux aller vérifier ce qui se passe. En essayant de ne pas faire de bruit et en respirant et juste avec le son de nos petits pieds, nous étions sur le point de découvrir d'où pouvait venir tout ce bruit. Et alors que nous ouvrâmes la porte, nous les vîmes allongés sur le sol de la cuisine. Nous étions reconnaissants qu'ils aient fait de leur mieux, mais on leur a dit « il doit y avoir une façon plus simple de faire le petit-déj ». Ils se sont relevés très vite, comme s'ils étaient pris au piège ou quelque chose dans le genre, et enfin nous avons compris. Il nous préparait un petit déj surprise. Maman bégaya, plus tard vous comprendrez les enfants que, pendant que papa est occupé à remettre son pantalon, nous répondîmes, on sait déjà, ne vous inquiétez pas pour ça. Et on a préparé les œufs, parce que là, c'est nous qui leur avons fait un déjeuner surprise. C'est mignon! C'est belge, quoi. C'est belge, c'est très mignon. Et donc, je trouve ce morceau absolument délicieux. Vous allez voir, c'est une sorte de petite folk song, de souvenirs, de petits frères, petites sœurs, qui surprennent leurs parents en train de berquiner. Donc, c'est parti. Ça s'appelle, Kai's Choice. Ils ne sont que deux, et à deux, c'est mieux. Et les parents aussi, manifestement, c'était bien sur ce grand carrelage froid. C'est parti. Between dawn and night, thought I heard the voice of mommy. Sounds as if my parents have a fight, so I woke up my brother lying next to me. Wonder why she's making all that noise. Better go and check it out. So without trying to breathe, only the sound of little feet, we're about to discover what that noise was all about. And as we opened up the door, we saw them lying on the kitchen floor. We were grateful, for they both did their best. We said, hey, there must be an easier way to make breakfast. Breakfast. We both got up real fast, as as if they were caught or something. And then we understood at last. It was a surprise breakfast they were planning. Mommy stumbled, later kids you'll understand. While daddy was busy putting on his pants, we said we already do, don't worry, we'll do the rest. So far for our quest, we made coffee boiled eggs, and we made them breakfast. Belges sont naïfs. Comme c'est frais. Comme c'est frais. Eh ben Simon et Garfunkel n'est pas si loin sur ce morceau. Mais j'y pensais. C'est très bien fait. J'y pensais. On va y venir, hein, Simon et Garfunkel, il va forcément. Il va bien falloir. Il va falloir qu'on y vienne, puisque le thème ce soir dans On The Rocks, c'est à deux, c'est mieux. Vous pourrez réécouter cette émission-là sur ontherocks.net si vous n'avez pas tout compris. Pourquoi des groupes de 18 personnes font à deux, c'est mieux. Eh bien, vous réécouterez. Ça sera assez limpide. Et pas d'émission la semaine prochaine, donc vous pourrez réécouter pendant longtemps. Sylvain, c'est à toi. À deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. Bon, moi, je vais rester à deux. Hein. Ils sont encore deux, les miens, là. Mais alors, on va changer d'esprit. Hein. C'est pas Kyle's Choice, là, monsieur. C'est Suicide. Ah oui. Ah, bah non, ah oui, c'est pas pareil. Pas là, là, Louis, là. Contre-pied, là. Alors là. Suicide. Alors là, convertis-moi, parce que j'ai du mal. Ah ben oui, mais... Alors, Suicide, c'est pas un groupe qui se laisse... Alan Vega, hein, c'est ça. Alan Vega, ah oui. Homonyme de Suzanne Vega. Alan Vega... Ah oui, mais c'est des homonymes comme ça, genre le prénom peut changer. On peut tirer un peu par les cheveux. Non, c'est bien, ça me va très bien. C'est permis ou pas? Ah oui, c'est très très bien. Bon, très bien. Donc c'est Alan Vega et son partenaire Martin Reeve. Oui. Alan Vega, c'était le chanteur. Qui est décédé. Décédé, oui. Tout à fait. Ouais, décédé. Et Martin Reeve, lui, il tapotait sur des orgues passées dans des saturations et il appuyait sur le bouton des boîtes à rythme, quoi. Alors les boîtes à rythme, c'est les boîtes à rythme des années 70, donc c'est très rudimentaire. C'était pas vrai, c'était pas de la programmation encore. Hein. T'avais un rythme, t'avais le choix entre bossa nova, samba et puis disco. Enfin, pas encore disco d'ailleurs, mais bon. C'est un groupe qui est un peu vénéré par les musiciens en fait. Suicide, parce que ça a ouvert la voie au punk, à la new wave, à l'électro. C'est un groupe qui porte très bien son nom, quoi. C'est hyper sombre. Je comprends bien. C'est en soi un suicide commercial total. Oui, enfin, c'est ça. Comment ne jamais vendre de disques? Et pourtant, c'est un groupe mythique, hein. Mais oui, tout à fait. Qui a traversé les âges, qui a pas sorti des tonnes de choses. Qui a mis vachement de temps d'ailleurs à sortir le premier disque, parce qu'ils ont commencé au tout début des années 70. Leur premier album est sorti seulement en 77. Parce que c'est des gars qui s'appliquent. C'est des gars. Ça se sent tout de suite. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite quand tu écoutes la musique. On sent qu'ils tirent la langue quand ils jouent. Non, ça le sent. Le son est très propre, c'est léché, c'est très appliqué. C'est les Steely Dan de la boîte à rythme. Ouais, un peu ça. Ouais. Les mecs ont commencé dans l'underground à tracer leur voix. Alan Vega tenait une galerie dans laquelle Martin Reeve jouait du piano électrique. La galerie était fréquentée par le Bollinge de l'époque, les New York Dolls, probablement Andy Warhol, probablement les yeux globuleux de Lou Reed, enfin voilà, toute cette faune-là. C'est un groupe très, très new-yorkais, enfin voilà, c'est la grosse pomme dans toute sa splendeur. Non, ça sent le Nico. Ça sent la crasse, la dope, la folie, hante un peu tous les morceaux. Il y a un morceau terrible sur leur premier disque qui s'appelle Frankie Teardrop. Terrible dans quel sens? Ah bah ça fait peur. C'est un morceau qui fait peur, dans lequel il y a des cris où Alan Vega crie. C'est vraiment ça te prend la gorge, ça fait très peur. Ça glace. Ça, c'est glaçant, ouais. Mais il y avait quand même un travail sur le son. C'est ce qui est marrant, c'est que c'est un groupe très avant-gardiste, très très extrême, quoi. Mais en même temps, il y avait les deux pieds dans le rock and roll classique des années 50. Enfin, la voix d'Alan Vega en particulier reprend l'éthique à la Elvis, quoi, avec l'écho à la Sun Record. Et ce qui est très marquant, c'est ce travail sur l'écho, en fait. C'est là que c'est un groupe pour musiciens, c'est qu'il y a l'écho est presque un instrument en soi. Il y a des moments où l'écho part et devient un instrument par lui-même. Voilà. Donc j'ai choisi un morceau qui s'appelle Ghost Rider. Qui fait peur aussi, qui ou... fait pas trop peur celui-là. Et je trouve que le petit motif d'orgue très très entêtant, très répétitif, ressemble un peu à ce que font, je crois, les guitares sur Luxor, j'adore, de Philippe Catherine, dans un registre beaucoup plus guigré. Bah là, c'est ça, mais avec la mort qui rôde, quoi. Voilà. Bon, alors, donc c'est parti. Voici donc. Accrochez-vous. Suicide avec Ghost Rider, un morceau de 27 minutes. C'est parti. C'est très court. Ah, c'est très court. Ouais. Ah, c'est très bien. Ghost Rider, motorcycle hero. He's looking so cute. Sneaking round and round, round in a blue jumpsuit. Blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. America's killing its youth. Peur, hein. Oh bah dis donc, je suis presque réconcilié. Hein, c'est pas mal. Mais oui. Mais c'est même très bien. Est-ce que John Spencer n'aurait pas un peu écouté Suicide? Ah, mais tout le monde a écouté Suicide. Pas moi. Quand on fait de la musique, on a musique, obligatoirement ça. Écouté Suicide. D'accord. Ah bah, les Beru ont probablement écouté ça, Suicide. Oui, parce que, c'est vrai. Côté boîte à rythme et guitare lancinante. Ouais, et puis des thématiques jamais trop loin de la folie et de la mort. Bonsoir. Ah bah, on a largué les amarres, on est loin des Everly Brothers. À deux c'est mieux, mais... Le Kentucky, c'est fini. Maintenant, c'est la grosse pomme. D'accord. À deux c'est mieux, surtout pour les électrochocs, on peut tenir les pieds. Ouais. Vous êtes dans The Rocks, donc c'est la mi-temps. C'est la mi-temps de cette battle, égalité parfaite entre les deux joueurs. Et donc, on va se passer un petit morceau qui n'a rien à voir avec le thème, mais juste pour marquer la mi-temps. Ah, d'accord. Et qui pose la question, mais où seras-tu, mon cher Sylvain, le mercredi 20 février? As-tu reçu mon petit mail? Oui, je serai probablement pas loin de toi. Au Blue Devils, pour et voir Paul Collins. Paul Collins, et non pas voilà. Paul Simon. Et non, pas du tout. Paul Collins, donc, batteur des Nerves, et chanteur aussi des Nerves, parce qu'ils chantaient tous un peu là-dedans. Et puis, voilà. Ou guitariste? Batteur des Nerves. Guitariste Peter Case? Jack Lee? Non. Peter Case, il jouait la basse dans les Nerves. Alors, guitare Jack Lee, mais batteur des Nerves. Ah, d'accord. Je crois, hein. Une énorme bêtise, nous vérifierons. Je crois que c'est batteur des Nerves, c'est un peu le syndrome Foo Fighters. C'est hop, il est passé à la guitare pour créer son groupe qui s'appelait Paul Collins Beat et qui a eu un joli petit succès d'estime aux États-Unis. Et donc il sera ce monsieur sans ses cheveux, mais toujours avec sa guitare. Bon. Et voilà, il sera sur scène donc au Blue Devil. Ce sera le mercredi 20 février. Peut-être une petite interview. Je vais peut-être tenter le coup. Je ne sais pas parce que j'ai fait des Munoz, des Plimsolls, donc ça resterait cohérent. Mm-hmm. Voilà. Donc Paul Collins, c'est celui qui va chanter maintenant. Les Nerves, quand même, c'est Hanging on the Telephone. Et puis voilà, je crois que c'est Working Too Hard. C'est lui, ça. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Je sais pas. Si, c'est ça, le morceau Walking Too Hard des Nerves, mmh. C'est lui qui chante et qui compose, et donc il l'a repris sur cet album de Paul Collins Beat. Bah tiens, on va se le passer. Je voulais passer Rock'n'Roll Girl. Homonyme, ben non. Homonyme de Phil Collins. Oui. Paul Collins. Attends, on va se régaler. Donc, voici Walking Too Hard, morceau chanté à l'origine par les Nerves, rechanté par Paul Collins. Ça dure 1 minute 57, et si vous voulez entendre ce morceau sur scène live, ce sera sur la scène du Blue Devil. Je sais et pas ce que ça vaut sur scène en 2018. Eh ben nous, on a joué l'année dernière à Périgueux dans un bar. Très rock qui avait fait jouer Paul Collins il n'y a pas si longtemps et de l'avis de l'association c'était très bien. Ah bah voilà, super. Donc après voilà, j'ai pas vu, mais bon, et ben c'est parti. Ça s'appelle donc Walking Too Hard, ça dure 1 minute 57 et chez Paul Collins généralement il en faut pas beaucoup plus. Non, ça suffit. Une petite légende vivante quand même qui sera sur la scène du Blue Devil en espérant un son correct. Top. Ouais, c'est parti. Et donc, ce morceau sur scène à Orléans, ce sera le mercredi 20 février. Ça va faire plaisir quand ça même. Ça fait envie. Ça fait envie. Ah oui. Paul Collins, donc, qui sera en concert par chez nous. Mais ce soir, le thème, c'est à deux, c'est mieux. Et effectivement, Suicide à deux, c'était pas mal. Mais c'était même très bien. C'était même très très bien. Et faut bien... pas être trop dépressif quand même pour écouter Suicide. Faut avoir le moral. Ouais. La pochette était très très dans le thème quoi. C'est-à-dire c'était du sang, tout ouais, ça. Le nom du groupe, une espèce de graffiti avec le nom du groupe et du sang. Bon écoutez. Allez, changeons d'air. Je vous emmène à Londres avec un groupe que j'ai eu la chance de voir en concert au Bouillon à Orléans, figurez-vous. J'allais voir Adam Wood qui faisait la première partie. Bah, j'ai pas été déçu quand je suis resté derrière. Eux, ils sont vraiment deux et ils font tout avec pas grand-chose puisque ils ont commencé dans la rue et ça, il y a des vidéos qui tournent sur Internet où on les voit. Au début, il y a personne et après, il y a beaucoup de monde qui vient les voir. Juste un chanteur qui doit peser mon bras gauche à peu près avec une voix absolument géniale, je trouve. Rocailleuse qui fait pas son âge et une petite guitare qui va bien, un peu bluesy, et puis à côté de lui son comparse qui n'est pas là pour c'est pas Madame White Stripe, hein. Lui il est là vraiment à égalité et c'est un human beatbox, mais alors qu'il fait des trucs, le human beatbox moi ça me fait rigoler 5 minutes mais au bout d'un moment ça me fatigue un peu. Lui il fait des trucs que j'ai jamais vu et effectivement ils sont très très bons. Le groupe s'appelle Hey Moon Shaker, ils ont sorti un album très bizarre, très difficilement identifiable au point de vue musical. C'est très blues, c'est c'est très rocailleux et en même temps c'est très sonorité actuelle. On va se passer un morceau qui est très sexuel. J'ai deux morceaux sexuels ce soir. C'est le premier. Il s'appelle Stoned. Et bah, vous allez voir, vous allez entendre plutôt. Tu connais pas ça ? Pas du tout. Et bah, c'est vraiment très bien. C'est très très bien foutu. Voici donc ce morceau qui figure sur leur album Noir, en français dans le texte, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Je ne sais pas s'ils en ont fait un autre depuis, mais je vous conseille d'aller les voir sur scène surtout. Ils ont quand même électrisé le bouillon. Il n'y avait pas énormément de monde et à la fin, tout le monde était vraiment la banane. C'est parti, Heymoon Shaker, ils font tout ça, tout ce que vous entendez à deux et tout ce que vous entendez comme percussion, c'est fait avec la bouche. Ah. Is it evil? Does it change you? Like frustrate you? See an idea from a junk? Yeah. Does it hurt you? See what he do from a feeling that it gave you? Are you stoned? And is he blind to make a judgment in a lifetime from perspective still unknown? Stone. I saw the devil pull the earth, walked a page, said it's worth generation stole. Stoned. Redis-moi le nom. Hey Moon Shaker. Hey Moon Shaker. Oh, c'est voilà. Chouette. Et c'est très très bien. Voix. Et tout est comme ça. La voix est géniale. Ah ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à plus regarder l'autre qui fait des boum boum tchak à côté parce qu'il est très tatoué de partout et très démonstratif. Mais la voix du gars, très très bien. Je vous conseille vraiment cet album et surtout je vous les conseille sur scène parce que c'est encore mieux sur scène. Voilà. Hey Moon Shaker. Hey Moon Shaker. Je note le nom, je vais aller écouter. Ça fait, détail, tout ça fait plaisir. Moi je vais aller écouter Bob and Earl. Eh ben voilà. Chacun ses soirées. Bon. Ce soir, dans The Rocks, le thème avec Sylvain des Sokoï Fever. À la coprogrammation, c'est à deux. C'est mieux. Et donc, c'est à lui de jouer. À deux, c'est mieux. Alors, on a écouté des gens qui se mettent à deux pour chanter et faire de la musique, mais. Parce que si c'est pour faire de la pâtisserie, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et ben moi, j'ai décidé de parler de l'écriture, monsieur. Ah, de la composition. Voilà, voilà. L'écriture et la composition à quatre mains. Voilà un truc intéressant. Eh oui. Alors, on va s'épargner les Beatles, s'il vous plaît. Oui, les Stones. Les Stones et plein et des tas de groupes. On va parler de Jerry et Mike, qui te disent rien si on dit leur prénom comme ça, mais qui vont peut-être te dire quelque chose si on dit leur nom de famille, à savoir Liber Stoller. Ah oui, oh là là. Mais oui, qu'on peut lire sur des tas de pochettes de disques, en fait. Les trois quarts des morceaux intéressants des années 50, en gros. Ouais, 50-60, et quand on s'intéresse un peu aux pochettes de disques, on lit le nom de la chanson et ce qui est entre parenthèses après, c'est-à-dire le nom des auteurs, on revoit très fréquemment Liber Stoller, comme et ça. Et pas sur les plus mauvais. Et pas sur les plus mauvais, non. Alors, Liber Stoller, c'était des vieux gars, des vieux de la vieille, ils sont nés dans l'entre-deux-guerres. Ça, c'est une bonne idée, je m'en veux pas l'avoir eu, celle-là. Hein, bah voilà, tant pis. Et ils se sont rencontrés à Los Angeles. Il y en a un qui jouait du piano, l'autre qui vendait des disques. Je sais plus dans quel sens, mais ils se sont rendus compte qu'ils partageaient les mêmes goûts pour une musique qui à l'époque n'était pas très diffusée. C'était le blues. On parlait pas encore de rock and roll. C'était le rhythm and blues. Eux étant juifs. Liber Stoller, les deux. Et à l'époque, tout ce qui était blues, c'était réservé aux noirs, quoi. Hein, on va le dire clairement. Et ils se sont dit, tiens, bon, on va écrire des chansons, et puis on va les vendre. On va essayer de les vendre, de faire notre business avec ça. Et c'est eux qui ont écrit, That's All Right Mama, Hound Dog, pour Big Mama Thornton, qui était une grosse chanteuse de blues. Pionnière. De la guitare électrique. Oui. Et avec sa SG là. Ouais. Et sa petite robe toute jolie, ouais, et sa grosse guitare. Ouais. Ouais. Et ses 200 kilos. C'est ça. Et la chanson a été reprise par un certain Elvis Presley, ouais. Donc, ce qui a propulsé un peu le duo. Mais la version de Big Mama Thornton est géniale. Ouais, ouais, fabuleuse. Ouais, ouais. Et bah, c'est à ce duo d'auteurs-compositeurs qu'on doit En Vrac, Jealous Rock, Stand By Me aussi, ouais. Pour Benny King, exactement. Qui est peut-être mon morceau préféré du monde. Ah ouais. Bon. Eh ben c'est pas celui que j'ai retenu. Alors ils ont écrit énormément de morceaux pour les Coasters. Oui. Donc on va écouter un morceau des Coasters. Comme ça, tu dis hop, je saute sur le. Poison Ivy, qui est pas leur pire chanson. Non. Aussi bien aux Coasters que à Liber Stoller. La particularité c'est qu'ils ont. Ils ont pris des styles très marqués, quoi, vraiment inscrits dans le blues, le doo-wop aussi au départ, et ils ont amené ça vers quelque chose d'accessible au grand public, ce qui était très nouveau pour l'époque, avec un lustre catchy, poppy, qui permettait aux néophytes en fait de rentrer dans le style sans amoindrir l'authenticité du truc, quoi. Voilà. Très bon choix. Et puis les Coasters, ça dépote, quoi. Deux points. Version live en plus. Alors le son, c'est du brut de brut de brut. On entend bien les voix. Ça sature un peu, mais ça. Oui, mais enfin, voilà. Ça emmène bien. C'est du rock, quoi. Bah, c'est du rock. Ouais. Les Coasters avec Poison Ivy. Poison Ivy. Et voilà, très très bon morceau. Comes on like a rose, and everybody knows she'll get you in dust. Oh, you can look, but you better not touch. Poison Ivy, Poison Ivy. Late at night when you're sleeping, Poison Ivy comes creeping along. She's yeah, she's crazy. She really do you in. If you let her get under your skin, what? Poison ivy. Poison ivy. Mumps will make you lumpy. Chicken pasta will make you jump and twin. A common cold will fool you. Whooping cough can't cool you. But poison ivy, Lord, will make you itch. Yeah, you're gonna need an ocean. A calamine lotion. You're scratching like a hound. Oh, the minute you start to mess around. But poison ivy. Poison ivy. Mumps will make you love it. Chicken pasta will make you jump and twin. A common cold will fool you. Whooping cough can't do you. But poison ivy, Lord, will make you itch. Yeah, you're gonna need an ocean. A calamine lotion. You're scratching like a hound. Oh, the minute you start to mess around. Poison ivy. Poison ivy. Hyperstoller, c'est un peu l'inverse de Suicide, c'est vrai que ça donne la pêche. Ça donne la pêche, bah oui, bah, ils carburaient pas aux mêmes substances, probablement. À deux, c'est mieux, et c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite, les années 70, tout ça, ils ont... Je sais pas, ils ont probablement continué à écrire des chansons. J'avais vu des images récentes de Saturday Night Live, je crois. D'accord. Enfin, récentes, une bonne quinzaine d'années déjà, mais ouais. Où ils étaient invités spéciales. Ils sont toujours vivants, les deux ? Ouais, un peu vieillards quand même. Où ils faisaient un petit medley... De leur grand succès. Et c'est là qu'on se rend compte que. Ils sont pas chanteurs. Ils sont pas chanteurs. Ils ont un charisme de. D'huître. D'huître qui relève les compteurs. Et ils ont pas de voix en fait. Mais voilà, ils savaient tourner des chansons. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce soir dans The Rock, c'est à deux, c'est mieux. Et là, on va plonger dans quelque chose. Où on va, alors, sortez les colpes et la tarte. Les pattes def et les amplis montés les uns sur les autres avec les guitares à deux manches. Puisque voici un groupe de Nantes, un duo, et là ils font vraiment tout à deux, qui s'appelle Kokomo, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Je sais pas si tu les as déjà vus sur scène. Ça me dit rien du tout, Kokomo. Non. Alors Kokomo. À part la merveilleuse chanson des Beach Boys. la meilleure période de leur carrière. Bah, évidemment. Et ben pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc ce sont deux jeunes freluquets. Enfin, le batteur est un peu moins jeune que le chanteur, qui lui est vraiment un très très jeune freluquet, Guitar Hero, qui ont décidé de faire du heavy metal. Alors pas heavy metal, comment on pourrait appeler ça? Du rock un petit peu à la Led Zeppelin, quoi. Voilà, c'est. Comment on appelle ça d'ailleurs? Du heavy rock. Du heavy rock 70s, ouais. Qui chante dans les aigus, du hard rock, voilà, hard c'est rock, ça. Hein, c'est la base du hard rock. Et il y a un batteur qui est très très très très très énervé, qui fait plein de choses avec sa batterie très très bien, et un guitariste donc qui chante très très dans les aigus. Alors il use parfois un petit peu des ah comme ça, bon, il en fait un poil trop. Par contre, au point de vue jeu de guitare, il est absolument flamboyant. Le morceau qu'on va se passer est tiré de leur premier album. Un autre album ne devrait pas tarder. Il s'appelle Pass It On, ce morceau. Et il est tiré d'un clip qu'on peut... Alors, de l'album. Et on peut le voir en clip enregistré live à Saint-Nazaire, c'est-à-dire à domicile, aux escales de Saint-Nazaire. J'ai été dans le public, si vous regardez bien. Enfin, faut vraiment bien regarder. Et je peux vous dire que c'était très, très chaud. C'est toi le gars qui fait des doigts d'honneur qui dit « Rockin' bitch ouais, !» C'est toi, hein. C'est moi, Rock, ouais. Bitch, c'est moi. Et donc, c'était absolument la folie ce soir-là. Et sur scène, ça envoie du feu de Dieu. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ce groupe sur scène. Sur album, c'est vraiment bien. Mais sur scène, c'est là où il se libère totalement. En interview, puisque vous pouvez retrouver ces Kokomo sur le site ontherocks.net, dans l'onglet émission spéciale, il se raconte un petit peu. Très sympathique au demeurant. Voici donc le morceau Pass It On. Juste une guitare, une batterie et c'est tout. Rien d'autre. Et ça fait à peu près ça. Kokomo on the rocks. Ah, eh ben, dis donc. Kokomo, eh oui. Mais là, c'était pas en live, là. Non, non, ça triche. C'est pour le clip, ça triche. Ouais, ouais, c'est un faux live. C'est un faux live. Mais sur scène, c'est aussi propre et aussi. Alors là, c'est justement ce groupe-là où le batteur essaye d'un peu de piéger le guitariste qui essaye de piéger le batteur. C'est pas un qui suit comme un petit chien. Ça se tire la bourre et rendez-vous au tas de sable, quoi. Et voilà, ils le font très, très bien. Je te conseille d'aller voir ça sur scène. Moi, j'aime bien la voix, finalement. Ah, il a une super voix. Ouais, ouais. Alors... Je préfère la voix au son de guitare. Je suis pas fan de ces sons très hard rock. Oui. Là, ça brille. Un peu Van Halen sur les bords. Greta Van Fleet, un peu la voix. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Mais pour avoir vu des images des concerts de Greta Van Fleet, j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses quand même chez Kokomo sur scène. C'est fort possible, ça m'étonne pas. Ouais. Voilà, c'est le genre de groupe qu'on aimerait bien voir programmé par chez nous. Et pourquoi pas au Grand Unisson, par exemple. Au Grand U, ça serait un groupe qui irait bien dans ce cadre-là. Voilà, ça, ils prennent l'espace à deux. Mais à deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. C'est le thème ce soir. Et Sylvain des Sockeye Fever est là. Alors, c'est pas sa particule, hein. Il est pas noble, c'est pas Sylvain des Sockeye Fever. C'est Sylvain Trémaux du groupe Les Sockeye Fever qui va nous proposer son morceau maintenant tout de suite. Ouais, alors à deux c'est mieux. Bon, excuse-moi, moi c'est un duo avec quelques musiciens derrière. Pour l'instant j'ai échappé au berru, mais je sens que ça va venir. Bah, je fais un petit intermède. J'hésitais là à le mettre dans la foulée de Kokomo, mais on va se calmer un petit peu avec un duo énormissime en termes de talent. Un peu moins connu, surtout en France. Bon. Non. Lee Hazlewood et Nancy Sinatra. Oui, quand même. Il fallait le faire. Et je voulais absolument passer un morceau de Lee Hazlewood et Nancy Sinatra. C'est une bonne idée. C'est un peu la belle et la bête, les deux, là. Il y en a une qui a plus de moustache que d'autres. Non, non, non, la belle, c'est Nancy Sinatra, évidemment. Bah oui. Homonyme de son papa, hein, excuse-moi. Alors c'est Nancy fille, c'est il y a une Nancy Sinatra qui est la femme de Frank, oui. Enfin qui a été je crois la première femme de Frank, oui. Sinatra, et Nancy c'est leur fille. C'est This Boots Are Made for Walking. Ouais. Oui. Ouais, ouais, exactement. Morceau écrit d'ailleurs par Lee Hazlewood. D'accord. Bah, Lee Hazlewood c'est un musicien un peu à la Burt Bacharach, quoi. C'est-à-dire hyper complet, très sérieux. Enfin voilà, c'est capable de faire des arrangements pour des cordes, des cuivres, et puis avec un sens de la chanson, un sens pop. Enfin c'est la pop à l'américaine des années 60, quoi. Avec section rock. Le sucre classe. Le sucre classe, exactement. Ouais. Des morceaux super bien fichus, magnifiquement arrangés, avec un côté iconoclaste quand même. Moi, je pense toujours un peu à Gainsbourg à propos de Lee Hazlewood, quoi. C'est un peu le Gainsbourg américain, c'est-à-dire une formation classique, enfin un côté. Très classique, ouais. Et puis le côté pince sans rire, le côté où mine de rien je renverse un peu les tables en fait. Et donc c'était un peu le mentor de la belle, Nancy Sinatra. Fricotèrent-ils? Je crois pas. Ah, je crois pas. Ou alors pas officiellement. C'est gâché. Pas officiellement. Bah, en tout cas, musicalement, ils ont beaucoup fricoté. Ils ont fricoté musicalement. Ouais. Énormément. Et ils ont sorti 3 albums qui s'intitulent à chaque fois Nancy and Lee, dont la plupart des chansons mettent en scène une espèce d'idylle comme ça, un peu mythifié, un peu fantasmé. Romancé. Ouais, un truc un peu à la Je t'aime moi non plus, enfin tu vois, avec une imagerie comme ça du gars. Alors lui, il avait bien 20 ans de plus, hein, avec ses moustaches et sa coupe au bol, voilà. Elle, c'était un mix entre Barbarella et Brigitte Bardot, physiquement. Ouais, c'était quelque chose, quoi. Ouais. Et puis très intelligente physiquement, mais aussi vocalement. Sinatra. Et voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, ça. Hein, ça vous... Bon, excusez-moi. Très intelligent physiquement, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On se souviendrait. Ils ont sorti deux disques comme ça, fin années 60, début 70. Et il y a un troisième volet donc, de leur saga qui est sorti beaucoup plus tard, dans les débuts des années 2000. Voilà. Et à chaque fois, c'est magnifique. Et donc, ils existent encore les deux. Je crois qu'il est mort, Lee Hazlewood. Ah, c'est important. Et Nancy chante toujours ? Je sais pas. Je sais pas, peut-être pour faire bonne figure de temps en temps, mais je crois pas que ce soit une vraie chanteuse. C'était pas du genre c'est plus une muse qu'une chanteuse. Exactement, quoi, voilà. à se pointer sur scène et à chanter. Enfin voilà, c'est plus une Dani qu'une. Une Birkin. Ouais. qu'une, je sais pas quoi. Qu'une Janis Joplin. Exactement. Voilà. Donc on va se passer le morceau Sundown Sundown qui figure sur quel des trois albums ? Sur le premier. Sur le premier. 68, je crois, ou 69. Ouais. Tu étais né. Non, pas encore. Ah, non, non. Nancy Sinatra, Lee Hazlewood, Sundown Sundown, à deux, c'est mieux. Donc ils jouent chacun des instruments. Donc, exactement. Violon, avec, là, avec la bouche. Avec la bouche, là, c'est Nancy. There's no one in this world for me. There's never gonna be. There's no one in this world needs me. There's never gonna be. And yet sometimes in my dreams I hear. There's never gonna be. There's no one meant for only me. There's never gonna be. And yet sometimes in my dreams I hear. Ricane. On ricane un peu. Ouais. On ricane un peu. Alors, c'est chouette, si vous avez envie de faire de la trottinette électrique en écoutant ce morceau, c'est que votre récepteur de radio est mal réglé, puisque ça donne plutôt envie de chevaucher des étalons, Il y a des images comme ça de. On peut pas parler de clips, c'était des Scopitone à l'époque. Des Scopitone, il y a un truc où ils sont sur une plage comme ça, c'est. Ils se rencontrent, tu vois, c'est extraordinaire. Bon, c'était un morceau sponsorisé par nous deux. Puisqu'à deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. Et on va continuer avec À deux, c'est mieux. C'est le thème ce soir dans The Rocks, après ce Nancy Sinatra et Hazlewood, avec un morceau qui date des années 90. Alors ça, j'ai déjà diffusé pas mal de fois dans The Rocks, mais j'aime tellement ce morceau. Le son est un peu naze, hein, parce que ça a été enregistré un peu... C'est passé qu'une fois à la télé, donc c'est live. Ah ouais. Et donc le son, voilà, c'est le son télé de l'époque, donc c'est pas terrible. Mais... quand même, ça vaut le coup. C'est deux demoiselles qui commencent à avoir un petit succès en solo. Alors la première vient de quitter son groupe et vient de sortir son premier album solo. On commence un petit peu à causer d'elle, on est un petit peu étrange. Et la deuxième, elle est un petit peu plus rock'n'roll, un petit peu plus identifiée. C'est Björk, la première, qui a à l'époque de ses petites couettes sur la tête, et PJ Harvey avec sa guitare électrique. Et c'est une remise de Grammy Award quelconque, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Et en tout cas, elles s'avancent sur scène, donc PJ Harvey avec sa tête de PJ Harvey pas contente, et sa guitare électrique. Tu connais ce moment ? Non. Et je Björk. PJ Harvey et Björk, qui j'ai déjeuné encore tout à l'heure, mais je ne connaissais pas leur collaboration. Et c'est toi qui as payé à la fin. Quand même, c'est un minimum. Et donc Björk est à côté, elle a dans ses mains, alors je ne suis pas musicien et je ne suis pas ingénieur, elle a une petite boîte et elle touche des petits boutons et ça fait des... donc ça s'appelle un petit synthétiseur. Un petit synthétiseur. Bah ouais, ça peut, ouais. De la taille d'une d'une boîte, d'une petite boîte. Et donc, elles s'approchent et elles entament un morceau qu'on ne reconnaît pas tout de suite et on reconnaît quand même un bout d'un moment, c'est le Satisfaction des Stones. Donc, c'est une spéciale dédicace pour toi. Ah, c'est gentil. Et donc, c'est, vous allez voir, c'est assez décadent. Et ce qui est génial, c'est que Björk, au début, queen un peu, ulule, ne prend pas trop de place. Et puis, Gervais qui est lancinante sur ce morceau. Et Björk devient folle vers la fin du morceau. Et je vous engage à voir les images tout de suite après cette émission où, avec sa petite tête de troll absolument fantastique à l'époque, hurle la gorge déployée avec son nez levé. Et la conclusion du morceau, c'est la Björk dans toute sa splendeur. Donc, quand même, duo Björk-PJ Hervé avec cette reprise des Stones, Satisfaction. C'est quand même assez étonnant. Regardez comment leur voix évolue, comment l'une mange l'autre, comment. Voilà, ça me plaît beaucoup, ça. Et avec les images, c'est encore mieux. Cette manie de massacrer des mélodies, il y a des accords dans la chanson. Pourquoi elle fait d'autres accords? Pourquoi? Eh ben parce que ça le fait. Moi je trouve que ça le fait. Ouais. Ce morceau n'a jamais senti autant la panne sexuelle et le combat d'égo. Ouais. Donc voilà. Bah, je te conseille d'aller voir les images, c'est quelque chose. Non, c'est chouette. Voilà, à deux c'est mieux. Et je pense pas que ces demoiselles aient refait quelque chose un jour ensemble, mais peut-être un peu trop dégoûté dans la même pièce. On l'aurait su, ils nous auraient passé un petit coup de fil. Ouais. Il est 21h10, autant vous dire qu'il reste 20 minutes dans ce match. Moi j'ai presque grillé mes meilleures cartouches, hein, je te le dis. J'en ai d'autres derrière, mais là franchement, j'ai donné tout ce que tu pouvais. Bon, moi il y a un truc qu'il faut absolument que je passe, mais d'abord on va passer les Berrues. Oh purée. Les Béoriers Noirs. Est-ce que je peux réécouter Suicide? Moi je pense que les Berrues tenaient de Suicide. Le côté minimaliste, très sombre, en même temps un peu arty. Chez les Berrues, alors il y a le côté arty, masque en plastique, hein, quand même, c'est pas. Oui, d'accord. Un peu, non, mais il y a le côté bière tiède, évidemment, des Berrues, punk à chien. Un petit peu. Hein. un petit peu quand même. Mais il y a aussi, je trouve moi, surtout au début, ça a un peu évolué vers le grand cirque après sur la fin, mais au début il y a, une espèce d'axe comme ça, une espèce d'esthétique de fin du monde. Il y a quelque chose d'assez dépressif dans le truc, avec des thématiques hyper, hyper sombres. Moi, je me souviens... Alors, Berrues, quand même, j'ai découvert les Berrues, j'avais 9 ans. Je crois que c'est le premier groupe que j'écoutais. 10 ans de psychanalyse derrière. Et en fait, j'avais un copain, dont le grand frère, qui n'était pas si vieux. Il devait avoir 13-14 ans, le grand frère. Attends, c'est intéressant. Excuse-moi de te couper. C'est intéressant. Tu es rentré dans la musique par les Berrues. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, on continue. Ouais. Disons que c'est probablement le premier truc que j'ai écouté. C'est-à-dire, au-delà de simplement entendre des trucs à la radio, tu vois. T'as écouté les Berrues. J'ai écouté les Berrues. À 9-10 ans. J'allais chez mon copain Guillaume au bout de la rue, et dont le grand frère Stéphane avait. Alors, c'était à l'époque Comintern Sect, Berrues, Gogol Premier. Qui était tout seul, Dieu merci, on ne l'écoutera pas ce soir. C'est splendide. Et à l'époque, ce grand frère, il avait un maxi 45 tours des Berrues, c'était Nada. Leur premier disque avec des trucs, mais horrible quoi, horrible. Des chansons qui parlaient de torture, d'internement, de massacre, de bûcherons qui venaient tuer des gens dans la forêt, mais un truc de fou. Ah là, je regarde les Pokémon normalement, tu en as conscience. Ouais. Et c'est ça qui est étonnant avec les Berrues, c'est que c'était un groupe alternatif, comme on disait à l'époque, quoi, complètement en marge des majors, des médias, des grands médias, etc. Visuellement festif, et puis, ce travail autour de l'image quand même, les masques dont tu parlais, ouais, il y avait des allusions en plus à Orange Mécanique, à Johnny revient de la guerre, enfin des trucs gays, quoi, comme des films gays. Et n'empêche que ce groupe-là, très extrême d'une certaine manière, a touché le grand public, quoi. Pour qu'un gamin de 9 ans ait été initié par un autre de 13-14 ans au Berrues, c'est quand même, il se passait quelque chose autour des Berrues, quoi. Ils ont vendu des centaines de milliers. Ah oui, ça a très très bien marché. Comme ça, quoi, par bouche à oreille. Et c'était un groupe incontournable, quoi, les Berrues, dans les années 80. Moi, je me souviens d'un ciel Montmardi à l'époque, sur le thème du rock, avec comme invité les Berrues, Gogol Premier aussi, et Adji Lazzaro, etc. Gogol Premier, j'ai oublié. Ouais, bon, Gogol Premier, vaut mieux oublier. Non, vaut mieux oublier, oui. Alors, et les Berrues, quand même, à deux, c'est mieux. Ah oui, alors, on revient au thème, pardon. Ils étaient deux, ils étaient 28. Si, non, ils étaient deux, je suis désolé. Il y avait Laurent, guitare, avec ce son... reconnaissable entre mille, un son saturé, gras, qui est un petit peu pourri. Le son. Ouais, mais oui, oui, oui. Mais pas que. Non, avec un sens du riff quand même, que je trouve encore intéressant. Et puis le chanteur, François, chanteur, c'est un bien grand mot. Oui, c'est ça. Il y a un côté quand même très braillard, hein. Mais avec ses chœurs, la fédérateur, cette espèce de la la la la, un côté un peu oeil. Pour supporters avinés, enfin voilà. Et alors effectivement, il y avait du monde autour d'eux. C'était ce qu'on appelait la raya, dans laquelle était Elno. Elno, des négresses vertes. Des négresses vertes. Tout à fait. Ouais. Il a commencé là. Il est parti. C'est ce qui a un peu planté le groupe, c'est-à-dire que dans leur idéal, libertaire, etc., ils étaient tous à égalité sur scène, à se partager les maigres cachets qu'ils avaient, et à la fin, ils étaient 20. Et en fait, les mecs, à la base, ils étaient deux, les autres, c'était des figurants, les autres, ils se bourraient la gueule, et puis ils pogotaient sur scène, quoi, c'est tout. Bon, voilà. Et donc j'ai choisi un extrait de Concerto pour détraquer. Ah mais c'est une bonne idée. Je pense que c'est leur meilleur. Alors moi j'ai sur une cassette depuis des années et je me suis rendu compte en fait ma cassette avait dû mal tourner le jour où je l'ai dupliqué et ça fait 30 ans que j'écoute cette chanson en fait plus rapide et plus aiguë que ce qu'elle est normalement. Donc j'ai repiqué un truc à peu près propre que j'ai accéléré pour retrouver, l'ambiance que toi tu avais. Mon petit agité à moi. Voilà. Ça fait peur quand même ce que tu viens de nous dire. Donc voilà, donc il fait nuit, là, il va pas tarder à neiger, il fait froid. Et donc pour vous remonter le moral, pour la nouvelle année, on vous parle donc de Suicide, de Johnny Got His Gun. Film merveilleux. Merveilleux film, tout à fait, ouais. Ça je souscris. Et de Gogol premier, et donc des Bérus. Donc bonne année 2019. Nous sommes bien en 2019. C'est parti. À deux, des fois c'est mieux. Et des fois, c'est les Bérus. Avec ben petit agité. Et oui. Ben voilà à quoi j'occupais mes mercredis après-midi en 1985. Est-ce que tes parents le savaient ? Non. Et ben voilà. Ils n'écoutent pas ce soir. Je crois pas, non. Très bien, je crois pas. C'est les Berruriers Noirs, donc avec petit agité. Moi, toujours pas, les Berruriers Noirs. Toujours pas ? Non. Mais très sympa, Laurent. On l'a croisé. Il joue dans les Ramoneurs de Menhir. Oui. Là. Il est très sympa, très très sympa. Ah mais je n'en doute absolument pas. Ouais, très ouvert, très sympa. Bon, alors il faut y venir. Adieu. C'est les Bérus. À deux, c'est mieux. On va forcément y venir. À Simon et Garfunkel, parce que quand même. C'était quand même la quintessence de à deux c'est parfait. Ouais. Avec ces chanteurs qui faisaient des morceaux qui ont traumatisé nombre de songwriters en disant mais comment font-ils et comment on peut faire des choses aussi belles. À commencer par Bob McCartney qui a composé The Long and Winding Road qui est pas la meilleure des Beatles mais en essayant de faire aussi bien que Bridge Over Troubled Water. Voilà, donc c'est vraiment la période de voilà, ça draine en plus toute une imagerie des 70s de tout ce qu'il y avait de bien dans les 70s. Paul Simon évidemment à la composition, on s'est rendu compte que on avait l'impression qu'ils étaient à égalité, Simon et Garfunkel, qu'ils étaient vraiment sur le même pied et on s'est rendu compte que Paul Simon sans Garfunkel, c'était Paul Simon et que Garfunkel sans Paul Simon, c'était juste Garfunkel. Ouais. J'ai choisi c'est ça qui est étonnant que Simon & Garfunkel, c'est que 99% de Simon & Garfunkel, bon, c'est Simon qui fait les chansons et les trucs. Enfin voilà, c'est quand même le moteur. Mais il apporte la touche magique. Et Garfunkel, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. Vraiment, ça illumine. C'est le monsieur 1%. Quand même les chansons dans vraiment au-dessus de la mêlée, quoi. Ça devient céleste une fois que Garfunkel pose son truc, quoi. Exactement. C'est ça qui est magnifique. Et une grâce qu'a pas toujours retrouvé Paul Simon en solo. Ouais, ouais. Je vous conseille quand même d'aller redécouvrir la carrière solo de Paul Simon parce qu'il y a des merveilles absolues. Mais en tout cas, Simon et Garfunkel, il y a quasiment rien acheté. Tout était fabuleux, touché par la grâce de A à Z. Ouais, ouais. Alors bon, ils ont essayé de refaire quelques petits concerts il y a pas longtemps pour remplir les tiroirs caisses. Apparemment, ça avait l'air assez. On sentait bien que l'harmonie vocale fonctionnait toujours, mais pas l'harmonie humaine. Voici donc un morceau, j'en ai pris un très très court. C'est The 59th Street Bridge Song Feeling Groovy. On le connaît plus le nom de Feeling Groovy. Et puis juste après, je vais l'enchaîner, puisqu'il est très très court. Je vais me permettre, d'abord parce que c'est moi qui ai les manettes, avec un morceau d'un des groupes qui a été fortement, très fortement influencé par Simon et Garfunkel, mais la moitié de ce qu'on aurait pu diffuser ce soir de harmonie vocale et de choses comme ça, autant les Berrues, on sent que c'était un peu... C'était presque influencé par Trust, ce qu'on vient d'entendre. C'était presque du Trust. Oh non. Eh ben réécoute. Ben, j'aime pas Trust. Tu réécouteras. J'aime pas Trust non plus. voilà, donc Simon et Garfunkel, et juste après, un groupe norvégien, avec des noms imprononçables plus que norvégiens, deux chanteurs, ils font vraiment tout seuls, tous les deux sur l'album, il n'y a rien d'autre qu'eux. Le groupe s'appelle Kings of Convenience, et le premier album, ils en ont sorti quelques-uns depuis, s'appelait Quiet is the New Loud. Je ne sais pas si tu connais ça, et bah, dès qu'ils se mettent à chanter ensemble, tous les deux, et ben, on se dit, tiens, eux, ils ont vraiment écouté Simon et Garfunkel, pourtant ça a des décennies d'écart. Voici donc d'abord les vrais, les bons et les seuls et uniques Simon et Garfunkel, et juste derrière Kings of Convenience avec le morceau Winning a Battle, Losing the War. Ah mais c'est ça. C'est ça, c'est toi qui perds la bataille ce soir, hein. You got to make the morning last, just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. La da da da da da da, feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growing. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do it. Deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. C'est beau, ouais. Ça ressemble à Simon & Garfunkel. Bah oui, ça aurait pu être dans l'émission Ça me dit quelque chose. C'est vrai. Où ça se ressemble un peu. Ça ressemble pas un peu. Ouais. Mais ça n'a pas la magnificence de Simon & Garfunkel. Il manque peut-être leur Garfunkel à eux, mais à ce moment-là, ils auraient été trois et ils n'auraient pas été diffusés ce soir. Ouais. Choix cornélien. Ça va être ton dernier choix, Sylvain. Ah là là, c'est le dernier, puisque Rémi vient de faire son entrée dans les studios. Donc pour faire la transition, ça va être le dernier morceau de Sylvain. Chanson que j'aurais dû passer à la place des Bérus avant, parce que c'est bien sûr. Tiens, bah oui. Faut toujours passer une chanson à la place des Bérus. Bon. Flo et Eddie, ça te dit quelque chose, Flo et Eddie? Si tu dis Howard Kailan et Mark Volkman, ça te dit toujours rien? Non. C'est le vrai nom de Flo Eddy. Flo Eddy, c'était un duo de mercenaires, on peut dire ça comme ça. D'accord. De choristes de luxe, un peu. Oui. C'est une partie des Turtles. Les D'accord, boys, ah oui. Happy Together. Ah oui, grand ça c'est tube très bien, les Turtles. De pop californienne, oui. 60s. Ces chanteurs-là se sont ont fait une carrière de mercenaires. Ils sont allés chez Frank Zappa, ils ont ensuite fait des chœurs pour à peu près tous les artistes des années 70. On les entend derrière T-Rex, derrière Springsteen. Ah oui. Ouais, dès que des copains avaient besoin de voix rock mais en même temps avec des mecs qui assurent. Et un peu zazou, un peu hippie sur les bords, bah, c'était eux qui remportaient la mise à chaque fois. C'est ce qui est rigolo avec eux, c'est t'as une parfaite maîtrise vocale, mais les mecs ils sont complètement allumés. Je sais pas s'ils sont allés bien loin au-delà des années 70, parce que j'étais un peu porté sur les substances, je pense. D'accord. Il y a une période formidable de Eddie et Flo, c'est avec Zappa justement, avec une chanson que je suis allé chercher dans 200 Motels, qui est un disque un peu foutraque, mais un peu souvent chez Zappa. Oui. Mais là, justement, Flo et Eddie amènent leur touche de grâce incroyable. Avec, ça débarrasse un peu la musique de ce côté narquois qu'a parfois Zappa. Ouais. Enfin, le côté un peu démonstratif. Ça reste hyper arrangé, hyper là. Mais alors là, c'est pour moi un moment de grâce qu'on aurait pu passer dans les moments de grâce aussi, oui. Avec début lyrique et tout ça, et puis un canon sur la fin, incroyable. C'est un morceau court. Écoute-le jusqu'à la fin, tu vas voir. Mais avec plaisir. Magnifique. Donc c'est le Zappa, on est d'accord. Oui, c'est Zappa. What will this evening bring me this morning? Merci beaucoup Sylvain d'être venu encore ce soir. Je te donne rendez-vous au printemps. Oui. Mars. Mars, avec un nouveau thème. Ouais. Pas d'émission de The Rock la semaine prochaine. Rendez-vous dans 15 jours, si tout va bien. Et merci encore pour tout ça. Et on bosse pour le prochain thème. Parce que je te sens un peu fébrile là-dessus. Ouais. Voici donc Zappa. Il est tout seul, mais il y a des gars derrière, si j'ai bien compris. Les deux chanteurs, les deux choristes sont extraordinaires. Et juste derrière, vous retrouvez Rémi avec la Red Arc du sport qui va peut-être nous parler du 9-0. Parce que quand même, il y a eu un 9-0, hein, PSG. Oh, c'est le PSG. Ouais. Ah, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est parti. Whoa!